dans une grande ferveur que tu viens de conduire à sa dernière demeure, l'un de tes fils les plus prestigieux, auquel l'Afrique et le monde entier ont tenu à rendre un hommage mérité. L'œuvre immortelle de Ahmed Sékou Touré aura été de mener notre pays à l'indépendance nationale et de faire rayonner sur le plan africain et international tes nobles idéaux et tes aspirations. Cependant, si sur le plan extérieur son œuvre a été couronnée de succès, il n'en est pas de même sur le plan intérieur où, sous l'influence de certains de ses compagnons de lutte malhonnêtes et sous la pression féodale de sa famille, tes espoirs de voir se créer une société plus juste et plus équitable se sont envolés très tôt, balayés par une dictature sanglante et impitoyable qui a broyé ta lumineuse espérance. Aujourd'hui, alors que tu n'as même pas séché tes larmes, une âpre lutte pour sa succession s'est engagée parmi ses compagnons aux mains encore tachées de sang de tant d'innocents. Ses compagnons avides de pouvoir et coupables de la corruption généralisée du gouvernement et de ses institutions. Ton armée nationale, qui t'est demeurée toujours fidèle et qui a toujours partagé ton sort dans la discipline et dans l'abnégation, pendant ces 26 années d'un pèlerinage bourreau, a donc décidé de prendre en charge l'administration du pays, afin de créer les bases d'une démocratie véritable, évitant à l'avenir toute dictature personnelle. Dans un deuxième temps, après l'échec du putsch de Diarra Traoré, le régime va se durcir. Peut-être même introduit-il des aspects négatifs en laissant se développer un discours et des pratiques ethnistes peu répandues à l'époque de Sékou Touré. Au Burkina Faso, nous sommes en 1985 et le chef de l'État, Thomas Sankara, célèbre le deuxième anniversaire de sa prise de pouvoir. Il en dresse, à l'occasion, le bilan politique.